Chapitre 20. Voyage dans l'intérieur. Le vin de palmier. Fuite de l'âne. Les buffles. En parcourant l'avenue qui conduisait à Falkenhorst, nous trouvâmes nos jeunes arbres courbés par le vent, et je résolus aussitôt de protéger leur faiblesse avec des tuteurs de bambou qu'il nous serait facile de trouver de l'autre côté du promontoire de l'espoir trompé. À ce mot, tout le monde voulut être de l'expédition. Les récits que nous avions faits des richesses de cette contrée, encore inconnues à plusieurs de mes fils, avaient vivement piqué la curiosité générale. Ma femme et ce jeune fils inventèrent sans prétexte pour ne pas me laisser partir seul avec Fritz. Nos poules étaient près de couver, il était urgent d'aller chercher des œufs de poule de bruyère. Les baies de cire manquaient, il fallait renouveler la provision de bougies. Jack voulait manger des goyaves et Franz sucer des cannes à sucre. En un mot, chacun avait une raison valable pour être admis à faire partie de l'excursion du lendemain. Je consentis donc à ce que le voyage se fît en famille. Nous partîmes par une belle matinée. L'âne et la vache furent attelés à la charrette. Nous prîmes une toile à voile destinée à nous servir de tente, car je prévoyais que l'absence serait inévitablement de plusieurs jours. La caravane organisée se mit en marche. Nous parvînmes à la grande colonie d'oiseaux et nous nous arrêtâmes pour laisser reposer nos animaux. Nous reconnûmes la grande république de volatiles auquel je pus enfin donner un nom certain. C'était une réunion de l'Oxia socia. Tout autour du grand nid s'élevait une grande quantité d'arbres à cire, tout chargés de leurs baies brillantes. Nous remarquâmes que les oiseaux du grand nid s'en nourrissaient. Mes enfants voulurent en goûter, mais ils les trouvèrent très fades et très mauvaises. Nous nous contentâmes donc d'en faire provision pour nos bougies. Nous n'étions qu'à peu de distance de l'endroit où Fritz avait abattu le coq de bruyère, mais nous résolûmes de mettre la recherche des œufs à notre retour afin de ne pas courir le risque de les briser pendant notre voyage. Nous reconnûmes les arbres à caoutchouc et j'eus soin de pratiquer dans l'écorce plusieurs incisions profondes au-dessous desquelles nous plaçâmes des coquilles de coco destinées à recevoir la gomme qui en découlait. Nous parvînmes ensuite au bois de palmier et après avoir tourné le cap de l'espoir trompé, nous dirigeâmes si heureusement notre marche entre les cannes à sucre et les bambous que nous nous trouvâmes en pleine campagne dans la contrée la plus fertile et la plus délicieuse que nous eussions encore rencontrée sur cette terre. Nous avions à notre gauche les cannes à sucre, à notre droite les bambous et un rideau de hauts et magnifiques palmiers, et enfin devant nous la baie de l'espoir trompé, puis l'océan et son immensité. L'aspect de ce ravissant point de vue nous fit prendre la résolution de faire de ce lieu le centre de nos excursions. Nous balançâmes même quelques instants pour savoir si nous ne changerions pas pour cette résidence nouvelle notre beau palais de Falkenhorst. Mais Falkenhorst avait déjà tout l'attrait d'une propriété que nous avions créée et dont nous connaissions les environs. Notre demeure sur l'arbre était à l'abri de tout danger, et de plus, elle était voisine de Zeltheim, que nous venions de fortifier et d'embellir. Ces considérations l'emportèrent, et il fut résolu que ce lieu ne serait pour nous qu'un but de promenade. Nous déliâmes nos bêtes, et nous nous arrangeâmes pour passer la nuit. Nous nous restaurâmes avec les provisions que nous avions eu soin de prendre avec nous, et chacun se sépara, les uns pour aller aux cannes à sucre, les autres pour cueillir des bambous, première cause de notre excursion. Le travail aiguisa sensiblement l'appétit de mes jeunes gens, et nous ne tardâmes pas à les voir revenir, fort disposés à faire honneur une seconde fois aux provisions. Mais ma femme n'était pas de cet avis. Il y avait bien à quelques pas de nous de hauts palmiers chargés de noix de coco, mais comment parvenir à ces liges élevées de 60 à 80 pieds? Nous levions inutilement les yeux en l'air. Les noix restaient immobiles aux branches. Fritz et Jack se décidèrent enfin à grimper. Je les aidai d'abord, mais parvenus à une certaine hauteur et abandonnés à eux-mêmes, ils sentirent bientôt leurs bras se fatiguer, et comme les troncs étaient trop gros pour qu'ils pussent les embrasser, ils furent obligés de se laisser couler à terre. Ce petit échec les avait rendus honteux. Je vins à leur secours et je tâchais de suppléer par l'expérience à la faiblesse de leurs membres. Je leur donnai des morceaux de peau de requin que j'avais eu soin d'apporter. Ils se les attachèrent aux jambes et je leur enseignai en même temps à s'aider d'une corde à nœud coulant, comme font les nègres de l'Amérique. Le moyen réussit beaucoup mieux que je ne l'avais espéré, et mes petits grimpeurs arrivèrent au sommet des palmiers, où, se servant de la hachette dont ils étaient munis, ils nous firent tomber une grêle de belles noix. Fritz et Jack étaient tout fiers de leur prouesse. De temps en temps, ils s'approchaient du paresseux Ernest et lui présentaient une noix ouverte en lui disant « Seigneur, daignez vous rafraîchir après les longues fatigues que vous avez souffertes. » Mais le patient Ernest ne semblait pas s'apercevoir de leur plaisanterie. Il savourait doucement les noix de coco, paraissait méditer profondément, quand tout à coup il se lève, prend une hachette et vient me demander de lui ouvrir une noix de coco de manière à en faire une coupe qu'il pourrait suspendre à sa boutonnière. Cette demande nous étonna tous, mais ce fut bien pis encore quand notre petit bonhomme, s'adressant à moi d'un air plein de gravité, me dit « Je veux bien faire violence à mes molles habitudes et donner des gages de dévouement et de piété filiale. Je vais monter à mon tour sur un de ces arbres, heureux si je puis par là me concilier la bienveillance de mon père et égaler les exploits de mes frères. » « Bravo !» lui dis-je, tandis qu'il s'approchait de l'un des plus hauts palmiers. Je lui offris le même secours qu'à ses frères, mais il n'accepta que la peau de requin. Je fus étonné de son agilité et de sa vigueur, mais ses frères le regardaient avec un air railleur que je ne compris que plus tard. Ils avaient remarqué que le palmier choisi par Ernest ne portait point de fruits, et ils attendaient qu'il fût en haut pour le lui apprendre. Ernest n'en continuait pas moins à grimper. Il parvint enfin à l'extrémité de l'arbre, et là, tirant sa hache, il se mit à couper et à tailler tout autour de lui. Nous vîmes enfin tomber à nos pieds un rouleau de feuilles jaunes et tendres, étroitement serrées les unes contre les autres. C'était le chou du palmier. L'esprit méditatif d'Ernest lui avait rappelé ce qu'il avait lu dans l'histoire naturelle. Il savait qu'il y a plusieurs espèces de palmiers. L'un produit des noix, l'autre du sagou. Un autre enfin porte au sommet un bouquet de feuilles qu'on a appelé choux et dont les Indiens sont très friands. Mais ses frères, qui n'étaient pas aussi forts que lui en histoire naturelle, n'accueillirent qu'avec de nouvelles plaisanteries la découverte du savant. La mère elle-même n'y crut pas et elle reprocha à son fils ce qu'elle considérait comme une boutade d'enfant contrarié. « Méchant, lui dit-elle, tu veux punir de ton étourderie cet arbre innocent? À présent que tu l'as découronné, il périra inévitablement. » Ernest, leur dis-je, a parfaitement raison, et il vient de faire preuve du profit qu'il s'est tiré de ses lectures. Que l'admiration remplace vos sarcasmes. Il est plus lent que vous, il n'a ni votre force ni votre hardiesse, mais il est plus réfléchi que vous, il compare et étudie. C'est ainsi qu'il a découvert successivement les présents les plus précieux dont la Providence nous a gratifiés. Défiez-vous, mes amis, de cet esprit de jalousie et de rivalité qui tente à se faire jour parmi vous. Ce n'est qu'en réunissant en un faisceau bien uni toutes vos qualités séparées, ce n'est qu'en confondant, pour ainsi dire, toutes vos forces et toutes vos facultés que vous triompherez des obstacles que nous aurons à vaincre dans notre solitude. Qu'Ernest soit la tête et vous le bras de la colonie. À lui la pensée, à vous l'action. Mais avant tout, soyez unis, car l'union fait la force. » Cependant, Ernest ne descendait point. Il restait immobile sur le haut de son palmier. « Veux-tu donc, lui cria Fritz, remplacer le chou que tu as si bien coupé ? Non, mais je vais vous apporter un vin généreux dont nous pourrons l'arroser. Il coule plus lentement que je ne croyais. » Des grands éclats de rire et des marques d'incrédulité saluèrent cette nouvelle prétention d'Ernest. Pour faire taire ses frères, il se hâta de descendre et tira de sa poche un flacon rempli d'une liqueur rosée et d'un goût semblable à celui du vin de champagne. Il m'en présenta d'abord, puis à sa mère, enfin aux enfants. C'était le vin du palmier qui enivre comme le suc de la vigne et qui de même restaure quand on en boit modérément. Le petit Franz, émerveillé de tant de prodiges, me demandait naïvement si nous n'étions pas dans une forêt enchantée, ajoutant qu'il serait bien possible que tous ces arbres fussent des princes et des princesses qui lui rappelaient ceux des contes dont sa bonne l'amusait autrefois. La mère le prit alors sur ses genoux et essaya de lui faire comprendre que rien n'était plus faux que des contes. Elle ne put guère y réussir. Cependant, le jour avançant vers son déclin, nous songeâmes à établir notre tente pour la nuit. La toile que nous avions apportée de Falkenhorst fut étendue sur des piquets et recouverte de mousse et de branchages. Mais tandis que nous étions occupés à ce travail, notre âne, qui paissait tranquillement au pied d'un arbre, prit tout à coup le galop en poussant des braiements aigus, lançant des ruades à droite et à gauche et disparut complètement. Nos dogues, ne comprenant pas ce que nous leur demandions, ne surent pas nous indiquer sa trace, si bien que le baudet nous échappa et qu'après de longues et infructueuses recherches, nous fûmes obligés de revenir sans lui. Cette fuite soudaine m'inquiétait, d'abord parce que l'âne nous était indispensable, et ensuite parce que je redoutais l'approche de quelque bête féroce qui avait pu effrayer le grison. Nous allumâmes autour de la tente de grands feux, et comme nous avions peu de bois, nous y élevâmes en outre des flambeaux de canne à sucre destinés à nous éclairer et dont la vive lumière devait nous protéger. Nous nous retirâmes ensuite sous la tente qui nous défendit très bien contre la fraîcheur de la nuit. Nos armes chargées étaient à côté de nous. Nous nous étendîmes sur un lit de mousse et comme nous étions tous fatigués, le sommeil ne tarda pas à s'emparer de nous. Je veillai seul jusqu'à ce que les bûchers fussent consumés. J'allumai alors les flambeaux de canne à sucre et je m'endormis jusqu'au jour. Le matin, réveillés sans qu'aucun accident eût troublé notre nuit, nous remerciâmes Dieu de la protection qu'il nous avait accordée et nous déjeunâmes de lait froid et de fromage de Hollande. J'avais pensé que nos feux de la nuit ramèneraient le baudet, mais je m'étais trompé. Désireux de le trouver, j'arrêtai le plan d'une battue et à cet effet je résolus de franchir, s'il était nécessaire, les épais roseaux qui s'étendaient devant nous. Jack ne concevait pas pourquoi cet animal avait pu nous quitter pour s'en aller courir dans le désert, au milieu des tigres et des lions dont il avait peut-être fait la rencontre. Par cela seul, disait-il, il est tout à fait indigne de nos regrets. Je fis revenir l'étourdi de cette première opinion, et je lui annonçai que je l'avais choisi pour mon second dans l'entreprise que je méditais. Les deux dogues nous suivirent. Fritz et Ernest restèrent pour veiller sur leur mère et sur nos provisions. Jack ne pouvait maîtriser sa joie. Nous partîmes armés jusqu'aux dents, et après avoir marché une heure dans le bois de bambou, nous découvrîmes sur le sable les traces de notre âne. Nous suivîmes cette indication précieuse, et bientôt nous parvîmes à un ruisseau si rapide que nous descendîmes un peu son cours pour trouver à le passer sans danger. De l'autre côté, nous remarquâmes l'empreinte des pieds de l'âne, mais il s'y en mêlait d'autres que nous jugeâmes être d'un sabot plus large et plus fort. Les unes et les autres disparurent complètement. Des buissons et deux ou trois petits ruisseaux nous les firent perdre tout à fait. Nous marchions donc au hasard, examinant attentivement sur la plaine immense qui se déroulait devant nous. Elle offrait de tous côtés le même calme, la même solitude. À peine rencontrions-nous quelques oiseaux. À notre droite s'élevait majestueusement la chaîne de rochers qui partageait l'île. Quelques-uns semblaient monter jusqu'aux nues, les autres se dessinaient en formes variées. À notre gauche se prolongeait une suite de collines tapissées d'une herbe haute et du plus beau vert. Une rivière traversait la plaine et semblait un large ruban d'argent. Désespérant de rien trouver, nous allions revenir sur nos pas quand nous découvrîmes dans le lointain une troupe de quadrupèdes tantôt réunis, tantôt épars. Il semblait être de la taille des chevaux. Je fis la réflexion que notre fugitif pourrait bien se trouver parmi eux, et nous nous dirigeâmes de leur côté. Plus nous nous approchions, plus la terre devenait humide. Nous étions dans un marais où nous enfoncions à chaque pas. Nous sortîmes donc avec peine de la forêt de roseaux qui couvrait ce marais. J'aperçus avec effroi que nous avions devant nous, à la distance de 30 pas, un troupeau de buffles. Je connaissais la férocité de ces animaux et je me sentis saisi de frissons à la pensée de nous trouver face à face avec ces terribles adversaires. Je jetai un regard de pitié et d'effroi sur mon bon Jack et mes yeux se remplirent de larmes. Néanmoins, nous étions trop avancés pour reculer. Il était trop tard pour fuir. Les buffles nous regardaient avec plus d'étonnement que de colère, car nous étions probablement les premiers hommes qu'ils eussent rencontrés. Ceux qui étaient couchés se relevaient lentement, les autres se tenaient immobiles. J'entrevis la possibilité de nous échapper. mais ma première frayeur paralysait mes jambes. Heureusement, nos chiens, qui s'étaient tenus quelque temps en arrière, sortirent des roseaux. S'ils eussent été avec nous quand nous découvrîmes les buffles, ceux-ci se seraient jetés sur eux et sur nous en même temps, et ils nous auraient écrasés en un moment. Nos efforts pour retenir les deux dogues furent inutiles. Ils avaient fondu sur les buffles dès qu'ils les avaient aperçus. Le combat était engagé et le troupeau tout entier poussait d'horribles mugissements. Ces terribles animaux battaient du pied la terre, la faisaient voler à coups de corne. C'était en un mot les préludes d'un affreux combat où nous devions inévitablement succomber. Turc et Bill, suivant leur manière habituelle d'attaquer, se jetèrent sur un jeune buffle qui se trouvait séparé des autres. Ils le saisirent fortement par les oreilles. Nous avions pu, pendant ce temps, reculer de quelques pas et préparer nos armes. Le jeune buffle faisait des efforts inouïs pour se débarrasser de ses ennemis. Sa mère vint à son aide, et de ses cornes longues et pointues, elle se préparait à éventrer l'un de nos chiens. Je profitai du moment. Je donnai le signal à Jack, qui faisait à mes côtés une admirable contenance. Et deux coups de feu partis à la fois produisirent sur le troupeau l'effet de la foudre. À notre grande satisfaction, nos dangereux adversaires se mirent à fuir avec une extrême rapidité. En un instant, la plaine fut libre et les échos ne nous rapportaient que de faibles mugissements. Cependant, nos dogues n'avaient pas lâché prise. La mère seule de l'animal captif, renversée par nos deux balles, se roulait en mugissant. Le sable volait sous ses coups de pied redoublés, et toute blessée qu'elle était, la rage qui l'animait mettait les chiens dans un imminent danger. Je m'approchai et un coup de pistolet tiré entre les deux cornes acheva de la tuer. Nous commençâmes alors à respirer librement. Nous avions vu la mort de près, et quelle mort! Je louai Jack du sang-froid qu'il avait montré, et de ce qu'au lieu de trembler et de pousser des cris, il avait bravement fait le coup de feu à mes côtés. Mais nous n'avions pas le temps de nous livrer à de longues conversations, car nos deux dogues luttaient toujours avec le buffletin, et je craignais que, lassés à la fin, ils ne vinssent à quitter leur proie. Je désirais beaucoup les aider, sans savoir cependant comment y parvenir. La détonation semblait avoir rendu l'animal furieux. J'aurais pu le tuer comme sa mère, mais je voulais le prendre vivant, espérant que sa force, dès qu'il serait dompté, suppléerait à celle de notre âne, que nous n'étions pas tentés d'aller chercher plus loin. Cependant, les coups de pied qu'il lançait et les efforts qu'il faisait pour se débarrasser des chiens le rendaient inabordable. Tandis que je réfléchissais, Jack eut la bonne idée de tirer de sa poche son lasso. Il s'en servit si adroitement qu'il entortilla les jambes de derrière de l'animal et le renversa aussitôt. J'approchai alors, j'écartai les chiens et avec une corde solide, je liai les jambes de derrière. Muni du lasso, j'en fis autant pour les jambes de devant. « Victoire !» s'écria alors mon intrépide compagnon. « Ce bel animal remplacera notre stupide baudet. Nous l'attellerons à la charrette, où il figurera très bien à côté de notre vache. Oh, que je vais être heureux de le ramener avec nous. Comme ma mère et mes frères vont être étonnés. Patience, patience. Le buffle n'est pas encore à la charrette. Il est là, étendu, mais je ne sais pas comment nous ferons pour le sortir d'ici. Délions-lui les jambes, et il marchera. Tu crois donc qu'il suffirait de lui dire « Tu es en liberté, suis-nous » ou « Va devant ». Mais les chiens le forceront à marcher. Et si d'un coup de pied il venait par hasard à les tuer, il pourrait alors facilement s'enfuir au galop. Je crois que le meilleur moyen sera de lui passer aux jambes une corde assez lâche pour le laisser marcher et pas assez pour lui permettre de courir. En attendant, ajoutai-je, je vais mettre en pratique un procédé dont les Italiens ont coutume de se servir pour dompter les taureaux sauvages et qui, j'espère, nous réussira. La circonstance justifie suffisamment la cruauté du moyen. Ne t'en effraie pas. Je commandai en même temps à Jack de tirer de toutes ses forces la corde qui tenait les jambes de l'animal afin de l'empêcher de remuer. Je tendis les deux oreilles au dogue et quand je vis la tête immobile, je pris mon couteau qui était pointu et bien tranchant, j'en traversai les naseaux de l'animal et fis glisser dans la blessure une corde qui devait me servir de frein pour modérer sa fougue. Ce moyen barbare eut un plein succès et je pus attacher à un arbre le buffle devenu soumis tout à coup, tandis que je dépeçais sa mère. Je pris la langue sur laquelle j'étendis une poignée de sel que nous portions toujours sur nous. Je salai également plusieurs autres parties. et après avoir lavé la peau des jambes pour nous en faire des bottines selon la coutume des chasseurs américains, j'abandonnai le reste du cadavre à nos dogs. Ils se jetèrent dessus avec avidité et j'allai me laver à la rivière auprès de laquelle nous nous assîmes pour manger un peu. Nous remarquâmes alors des groupes d'oiseaux de proie qui disputaient le buffle à nos chiens. Ils se battirent d'abord, et ce ne fut qu'après d'assez longs combats que chacun put prendre sa part de la curée. Mais enfin, l'énorme buffle ne fut bientôt qu'un squelette. Dès qu'une compagnie d'oiseaux de proie s'en était rassasiée, une autre lui succédait. Nous remarquâmes parmi ces brigands déserts le vautour royal, le calao, qu'on nomme aussi l'oiseau rhinocéros, à cause de l'excroissance qu'il porte sur la partie supérieure du bec. Jack avait encore envie d'abattre quelques-uns de ces oiseaux, mais je l'en détournai. « À quoi bon ?» lui dis-je, troublé sans cesse la tranquillité des habitants de cette île. « Notre sûreté personnelle, les besoins de notre existence, ne nous ont que trop autorisés à jeter parmi eux le trouble et la désolation. » L'esprit léger de Jack écoutait peu ces considérations. Je fus obligé, pour détourner son attention de ces oiseaux, de lui procurer une autre occupation. Je le chargeai de couper quelques tiges de roseaux géants qui croissaient alentour. Le petit paresseux se garda bien de s'attaquer aux plus gros. Ceux-ci avaient un tel diamètre qu'il eût été facile d'en faire des vases d'un pied de large. Nous nous arrêtâmes aux plus petits, que dans ma pensée je destinais à servir de moule à nos bougies. Enfin, nous songeâmes à nous mettre en route. Le buffle, retenu par la corde qui lui traversait les naseaux, ne se montra pas trop rétif et nous partîmes sans nous occuper davantage de l'âne. D'ailleurs, je me rappelai tout ce que nous avions à emporter et je ne voulais pas prolonger l'inquiétude des nôtres par une plus longue absence. Chapitre 21. Le jeune chacal, l'aigle du Malabar, le vermicelle. Nous retrouvâmes le passage étroit des rochers et nous le franchîmes sans obstacle. Nous avions mis les roseaux sur le dos de notre buffle. Il regimba d'abord et quelques coups de corde le rendirent obéissant. Soudain, nous rencontrâmes sur notre route un gros chacal qui prit la fuite. Turk et Bill s'élancèrent après lui, s'en emparèrent sans peine et l'étranglèrent. C'était une femelle. Jack voulut pénétrer dans son repaire que j'avais trouvé dans un creux de rocher. Mais comme je craignais que le mâle n'y fût caché, je pris la précaution de tirer d'abord un coup de pistolet dans la cavité. Rien n'en sortit. Jack y pénétra alors. L'obscurité l'empêcha d'abord de voir, mais bientôt il aperçut dans un coin Turk et Bill, occupés à étrangler et à dévorer une nichée de petits chacals, et ce ne fut qu'à grand-peine qu'il parvint à en sauver un de leurs griffes. Il me demanda la permission de l'élever. J'y consentis par pitié et il l'emporta. Je fis, en sortant de là, une nouvelle découverte. Je reconnus dans l'arbre auquel j'avais par hasard attaché le buffletin tandis que Jack était occupé de son chacal, le palmier épineux que je destinais à être planté en haie près de Zeltheim. Nous arrivâmes à la nuit auprès des nôtres qui nous attendaient avec impatience. On admira notre buffle noir, nouvel hôte sur les épaules duquel nous avions trouvé moyen de nous décharger de nos fardeaux. Jack, avec sa vivacité ordinaire, raconta la conquête du buffle et la découverte de son petit chacal qu'il présenta avec orgueil. Enfin, il parla tellement et souleva tant de questions que nous étions revenus depuis longtemps sans qu'il m'eût été possible de demander à ma femme comment elle avait employé sa journée, elle et ses deux fils. Ma femme commença par me rendre bon témoignage de la conduite de mes enfants pendant mon absence. Ils n'étaient pas restés oisifs. Ils avaient réuni des branches pour les feux de la nuit et préparé des flambeaux de canne à sucre. Et ce dont je ne les aurais pas cru capables, ils avaient abattu un palmier très grand, celui dont Ernest avait tranché la cime. Ce travail pénible leur avait demandé autant d'adresse que de patience. Ils avaient employé tour à tour la scie et la hache, et une corde attachée aux premières branches de l'arbre les avait aidés à diriger sa chute. Mais pendant qu'ils se livraient à leurs travaux, Une bande de singes s'était glissée dans la hutte et l'avait mise au pillage. Ils avaient bu le vin de palmier, volé les noix de coco, dispersé les pommes de terre. De sorte qu'à leur retour, mes enfants eurent beaucoup de peine à réparer le dégât. En sortant le soir, Fritz avait aussi fait une chasse superbe. Il s'était emparé d'un oiseau de proie déjà couvert de toutes ses plumes, quoique très jeune encore, et que je reconnus pour l'aigle de Malabar. Comme cet oiseau est facile à apprivoiser, je conseillai à mon fils de prendre soin du sien, de lui bander les yeux, de le porter souvent sur son poing et de l'élever ainsi que font les fauconniers de manière qu'il pût devenir utile à la chasse. Quand j'eus terminé mes conseils à mes enfants, ma femme, qui ne s'associait point à notre enthousiasme, glissa selon son habitude un mot de lamentation à propos de toutes les bêtes vivantes et mangeantes que nous introduisions chaque jour dans la colonie. Elle en fit le recensement avec une sorte d'effroi, et j'eus beaucoup de peine à lui faire comprendre que ces animaux étaient bien moins des objets de luxe ou de parade que des ressources en cas de disette. Pour la rassurer davantage encore, je déclarai solennellement que quiconque amènerait avec lui un nouvel hôte devait se charger exclusivement de son entretien, et qu'à la première négligence, la liberté serait rendue aux captifs dont les maîtres se seraient montrés insouciants. Ensuite, je recommandai d'allumer un peu de bois vert, ce qui me donna une fumée abondante dont j'avais besoin pour apprêter les morceaux de buffle que nous ne mangerions pas sur le champ. Tandis que notre cuisine se préparait ainsi, je n'oubliais pas nos animaux vivants. Nous leur distribuâmes une abondante nourriture, et le buffle se trouva fort bien d'une large portion de pommes de terre et de quelques gorgées de lait de vache qu'il but de manière à me prouver qu'il n'était pas loin de s'apprivoiser. Jack donna aussi du lait à son chacal. Vint alors notre tour de souper. Les fatigues de la journée nous avaient procuré à tous un excellent appétit. Le repas fut gai. On plaisanta quelque peu sur les bottines que Jack devait se faire avec la peau des jambes du buffle et sur le combat dans lequel il s'était couvert de gloire. Il se défendit très bien et les rieurs passèrent de son côté. Nos arrangements pour la nuit furent les mêmes que la veille. Le buffle fut attaché à un arbre près de la vache. Fritz voulut coucher son aigle près de lui. Cet oiseau, qui avait toujours les yeux bandés, s'y prêta si bien que de toute la nuit, il ne donna pas un signe d'inquiétude. Les chiens reprirent leur poste de garde devant notre porte et nous nous endormîmes enfin profondément. Notre nuit fut si tranquille que pas un de nous ne put s'éveiller pour entretenir nos feux et le soleil était levé sur l'horizon quand nous ouvrîmes les yeux. Après un déjeuner assez frugal, je me disposai à donner le signal du retour pour Falkenhorst. Mais ma femme et mon fils en avaient autrement ordonné. « Crois-tu donc, me dit-elle en riant, que nous nous soyons donné la peine d'abattre un beau palmier sans vouloir en tirer quelque profit ? Ernest m'a dit que sa moelle devait être du sagou. Vérifie cela, et si le savant ne s'est pas trompé, je serai enchanté de faire pour nos potages une provision de cette précieuse pâte. » Je reconnus qu'en effet c'était bien un sagoutier. Mais comment parvenir à fendre en deux cet arbre de 70 pieds de longueur ? Certes, ce n'était pas un petit ouvrage. Toutefois, avant même d'avoir réfléchi aux moyens, j'adoptai le plan de ma femme. J'annonçai à ma jeune famille que nous allions fabriquer du sagou et du vermicelle. Une autre idée me vint en même temps à l'esprit. Si je réussissais à séparer l'arbre en deux, je voulais me servir de chacune des parties pour faire des canaux destinés à conduire l'eau de la rivière des Chacals au potager de ma femme et de là dans notre plantation d'arbres européens. J'envoyai Ernest et Franz me chercher de l'eau et, aidé de Fritz et de Jack, je soulevai une extrémité de l'arbre. Je la plaçai sur deux petites fourches qui le retenaient ainsi dans une position inclinée. Puis nous commençâmes à le fendre en mettant des coins dans la fissure. Comme le bois était tendre, nous n'eûmes pas beaucoup de peine et nous arrivâmes bientôt à la moelle. Une moitié de l'arbre fut posée à terre et nous entassâmes toute la moelle. Mes petits garçons sautaient de joie à l'idée de cette occupation nouvelle. Ernest revint alors avec ses vases pleins d'une eau que lui avait fournie Céliane. Nous versions doucement l'eau sur la farine. Nos enfants, les bras nus, pétrissaient la pâte. Quand le mélange me parut complet, j'attachai à l'un des bouts de l'auge, fait avec un des côtés de l'arbre, une râpe à tabac, et poussant de ce côté la moelle que nous avions bien pétrie, nous vîmes bientôt sortir, par les trous de la râpe, de petits grains que ma femme avait le soin de faire sécher au soleil. Lorsque je jugeai notre quantité de sagou suffisante, je procédai à la confection du vermicelle. J'eus soin de rendre la pâte plus épaisse, et en la pressant plus fortement contre la râpe, j'obtins par les trous de petits tuyaux de longueur inégale et parfaitement semblables au plus beau vermicelle d'Italie. Ma femme nous promit, pour notre peine, de nous en préparer un plat assaisonné de fromage de Hollande, à l'instar du macaroni à la napolitaine. Nous obtîmes ainsi une nourriture saine et substantielle. Il nous eût été facile de rendre notre provision plus abondante, mais l'impatience de regagner Falkenhorst, d'y porter nos conquêtes, et surtout la perspective de pouvoir recommencer au besoin en abattant un autre sagoutier, nous firent hâter le travail. Ce qui restait de pâte fut destiné à produire des champignons par la décomposition, et nous eûmes soin de l'arroser pour hâter la fermentation. Le reste du jour fut employé à charger nos divers ustensiles et ce que nous devions rapporter de notre excursion. Le sagou, les noix de coco, le buffle salé que j'avais eu soin de fumer dès notre retour ne furent pas oubliés. Le lendemain, la caravane reprit la route de Falkenhorst. Le buffle, attelé à côté de la vache, commençait son apprentissage domestique. Nous n'eûmes qu'à nous louer de sa douceur. Et d'ailleurs, je marchais devant lui, tenant à la main la corde passée dans ses naseaux, prête à le rappeler à l'obéissance s'il tentait de s'y soustraire. Nous suivîmes le même chemin qu'en allant, et nous atteignîmes bientôt nos arbres à caoutchouc. Les vases que j'avais disposés pour recevoir le liquide n'étaient pas aussi pleins que je l'avais espéré. Le soleil avait fermé trop tôt les ouvertures pratiquées à l'écorce des arbres. Néanmoins, la provision suffisait pour nous permettre de tenter quelques essais. En traversant le petit bois de goyaviers, nous fûmes subitement effrayés par les hurlements de nos chiens que nous vîmes se jeter dans un fourré et en sortir aussitôt. Je craignis un moment que ce ne fût une bête sauvage qui causait leur inquiétude, et j'allais lâcher mon coup de fusil dans le buisson quand Jack, qui s'était approché et qui avait eu soin de se jeter à terre pour découvrir la cause de cette peur subite, se leva en éclatant de rire. « C'est la truie !» nous cria-t-il, « qui se moque encore une fois de nous !» Un grand éclat de rire accueillit cette découverte. Un grognement sourd sorti du buisson y répondit et confirma ses paroles. Nous pénétrâmes dans le fourré pour tâcher de découvrir ce que faisait là cet animal que nous maudissions de bon cœur. La position dans laquelle elle se trouvait nous réconcilia soudain avec elle. Elle venait de mettre bas, et elle était occupée à allaiter 7 ou 8 petits cochons. Mes enfants, qui voyaient déjà toute la famille à la broche, ne purent s'empêcher de témoigner leur joie à ce spectacle. Leur mère leur reprocha leur inhumanité de condamner ainsi ces pauvres animaux qui étaient à peine nés, et il fut résolu que 2 seraient pris pour être élevés avec la mère, et que les autres seraient abandonnés dans les bois, où il leur serait loisible de se multiplier, et qu'enfin la mère, après le temps d'allaitement, serait tuée et nous fournirait ainsi une bonne provision de lard salé. Nous arrivâmes enfin à Falkenhorst, que nous retrouvâmes avec bien du plaisir. Tout était en bon ordre. Les hôtes de la basse-cour vinrent à nous en caquetant de la manière la plus bruyante. Nous les accueillîmes en leur jetant de nouvelles provisions. Le buffle et le chacal furent attachés jusqu'à ce que l'habitude les eût rendus sociables. L'aigle de Fritz le fut également, et on le plaça près du perroquet. Mais mon fils eut l'imprudence, en lui passant une ficelle à la patte, de lui découvrir les yeux qu'il avait eus bandés jusqu'alors. La lumière produisit sur l'oiseau vorace un effet dont nous fûmes presque effrayés. Nous le vîmes s'emporter soudain, lancer à droite et à gauche des coups de griffe et de bec, si bien que le pauvre perroquet, qui se trouvait malheureusement à sa portée, fut déchiré avant même que nous eussions pu le secourir. Fritz entra en colère et voulut tuer l'oiseau. Ernest accourut aussitôt et l'arrêta. « Cède-moi cet animal, lui dit-il. Je me fais fort de le rendre souple comme un petit chien. »« Te le céder ? Non, vraiment, c'est moi qui l'ai pris. C'est à moi qu'il appartient. Apprends-moi ton secret. » Ernest secoua la tête négativement. Mon intervention devint alors nécessaire. « Pourquoi, dis-je à Fritz, veux-tu que ton frère te donne son secret sans retour, qu'il tienne moins aux fruits de ses lectures et de ses méditations, que tu ne tiens toi-même aux produits de ton adresse ?» Je terminai enfin le débat en proposant à Fritz de donner son singe en échange du secret d'Ernest. Cet arrangement qui fut agréé mit fin à la contestation. « Mon aigle, dit Fritz, est un vaillant animal. Je le préfère à un singe dont tout le mérite gît dans ses grimaces. » « Soit, dit Ernest, je tiens peu à être un héros. J'aime mieux devenir un savant. je serai l'historiographe et le poète des hauts faits que tu accompliras avec ton aigle. Tu verras, mais en attendant, dis-nous ton secret. Que faut-il faire pour le calmer ? J'ai lu, je ne sais où, que les Caraïbes, en pareil cas, fument sous le nez de l'oiseau rebelle. La fumée de tabac a sur eux la même influence que sur les abeilles, qu'elle endort. Fritz se crut dupé, et il voulait reprendre son singe, attendu que le prétendu secret d'Ernest lui paraissait beaucoup trop simple. « Qu'importe, lui dis-je alors, la simplicité du moyen, s'il réussit. » J'appuyai de toute mon autorité les paroles d'Ernest, et je priai Fritz d'en faire sur le champ l'épreuve, afin d'arrêter les cris et les battements d'ailes du bel oiseau qui avait mis le désordre parmi nos volailles. Dès les premières bouffées, l'oiseau se calma. Fritz s'approcha et lui enveloppa la tête d'un nuage épais de fumée. Peu à peu, l'animal perdit ses forces et nous le vîmes bientôt, complètement ivre, jeter sur nous des regards fixes. Puis il devint tout à coup immobile. « Ah, mon aigle est mort !» s'écria Fritz. « C'est une cruelle méchanceté !» Je le rassurai en lui faisant observer que s'il était mort, il ne pourrait pas se tenir sur ses jambes comme il le faisait. Et j'ajoutai qu'il n'était qu'endormi, comme le sont les abeilles qu'on enfume pour enlever leur miel. En effet, il revint à lui peu à peu, sans faire aucun bruit, quoiqu'on lui débandât les yeux. Il nous regardait d'un air étonné, mais sans fureur, et chaque jour il devint plus apprivoisé. Le singe fut unanimement adjugé à Ernest, et nous courûmes alors gagner nos bons lits, qui nous parurent encore meilleurs après les deux nuits pendant lesquelles nous en avions été privés. Chapitre 22. Les greffes, la ruche, les abeilles. Nous partîmes dès le lendemain matin pour établir à nos jeunes arbres des tuteurs avec des bambous. Nous emmenâmes la clé chargée de morceaux de fer pointu pour creuser la terre et nous laissâmes au logis la bonne mère et son petit Franz en leur donnant commission de nous préparer un bon dîner pour le retour et de faire fondre de la cire pour nos bougies. Le buffle resta à l'écurie. Je voulais que sa blessure fût entièrement cicatrisée avant de le soumettre au travail et déjà quelques poignées de sel nous avaient obtenu son amitié. D'ailleurs, la vache suffisait pour traîner notre léger fardeau de bambou. Nous trouvâmes nos arbres couchés par le vent tous du même côté. Des bambous furent plantés et attachés solidement aux arbres avec une espèce de liane qui croissait aux environs et leur fournirent ainsi l'appui dont ils avaient besoin. Mes trois fils aînés qui étaient avec moi travaillaient avec beaucoup de zèle et la nature même de notre occupation donnait lieu à des questions que j'accueillais avec beaucoup de plaisir. Elles avaient tout rapport à l'agriculture et à la botanique. Elles furent même si nombreuses qu'elles finirent par m'embarrasser, mais je compris que le moment était favorable pour leur donner des renseignements utiles. Aussi je m'empressai d'y répondre autant que mes connaissances me le permirent. « Fritz, les arbres dont nous nous occupons sont-ils des sauvageons ou des sujets greffés ?»« Jack, des sauvageons ? Ne vas-tu pas nous faire croire qu'il y a des arbres sauvages comme des buffles sauvages et qu'il en existe d'autres dont les branches se courbent complaisamment pour nous laisser cueillir leurs fruits comme un animal domestique obéit à la voix de son maître ?»« Ernest, tu as voulu faire là de l'esprit et mon pauvre Jack, tu n'as rencontré qu'une sottise. Sans doute il n'y a pas là d'arbres dont les branches se courbent à la voix de l'homme. Mais crois-tu que tous les êtres obéissent de la même manière ? Alors mon père devrait, quand tu es désobéissant, te passer une corde sous le nez, comme il a fait au buffle. » Moi, sans doute, il y a des arbres sauvages que l'on soumet à un genre d'éducation qui leur est propre et qui a pour but de modifier la nature de leurs produits. Approchez, regardez cette branche. Il vous est aisé de voir qu'elle a été insérée dans celle-ci. La sève de cette branche s'est répandue dans l'arbre entier et le sauvageon est devenu un bel et bon arbre. Ernest, c'est ce qu'on appelle hanter ou greffer. Moi, oui, c'est bien cela, mais ces deux manières subissent des modifications suivant la nature de l'arbre auquel on les applique. Ainsi, on hante en écusson ou en œillet. les uns avec un bouton non enveloppé, les autres avec une branche. Mais souvenez-vous que dans ces associations de divers produits de la nature, il faut toujours observer cette règle générale que les contraires ne s'allient point et que les arbres que l'on marie doivent être de même nature. Ainsi, on ne greffera point des pommes sur un cerisier, parce que l'un de ces fruits est à noyau et l'autre à pépin. Quant aux arbres qui viennent ici sans culture, tels que les palmiers, les cocotiers et les goyaviers, la Providence a sans doute voulu, par ce bienfait, dédommager les pays chauds de plusieurs grands inconvénients. Ernest, comment a-t-on pu avoir l'idée première de la greffe? Et d'où a-t-on tiré les premières bonnes branches pour les insérer dans celles des sauvageons? Moi, ta question est très sensée et prouve que tu apportes une grande attention à mes explications. Les bons arbres fruitiers sont originaires de quelques pays où ils portent naturellement des fruits aussi exquis que l'art et les soins en peuvent produire chez nous. Ces arbres ont été arrachés jeunes de leur sol natal et transplantés en Europe, où ils ont servi à greffer les sauvageons. Car le sol d'Europe est si peu propre à produire naturellement de bons fruits que le meilleur arbre fruitier, sortant de sa propre semence, redevient sauvage et a besoin d'être greffé. Des jardiniers rassemblent à cet effet dans des enclos une quantité de jeunes arbrisseaux. On appelle ces enclos des pépinières, et c'est là qu'on va chercher les boutures dont on a besoin. Ernest, mais sait-on bien exactement quelle est l'origine de nos fruits d'Europe, et par quels emprunts faits à l'Asie ou à l'Amérique, l'homme est parvenu à les perfectionner? Moi, oui, à peu près, et je puis sur ce point satisfaire ta curiosité. Je pris de là occasion d'apprendre à mes enfants l'origine de la plupart des fruits d'Europe. Je leur appris que tous nos fruits à coquille, tels que la noix, l'amande, la châtaigne, sont originaires de l'Orient, que la cerise vient du Pont, la pêche de la Perse, l'orange de la Médie, etc. Ces explications étaient entrecoupées d'exclamations assez comiques qui décelaient la prédilection de chacun pour tel ou tel fruit. Je craignais d'abord de fatiguer l'attention ou la mémoire de mes enfants, mais ils me conjurèrent de continuer, m'assurant qu'ils étaient bien loin d'oublier ou de confondre. « Heureux les pays !» s'écria Fritz en s'arrêtant devant les orangers, les citronniers, les pistachiers et toute la belle plantation dont nous avions environné Zeltheim, qui se trouvait alors en plein rapport. « Heureux les pays où croissent de tels arbres !»« Sans doute, lui répondis-je, ces pays ont bien quelque droit à être appelés fortunés. Mais les chaleurs qui les brûlent et les dessèchent ne rendent que trop nécessaires les fruits acides qui les enrichissent. Ainsi, l'orange et le citron appartiennent aux latitudes brûlantes, d'où l'on tira les fruits, tous cultivés avec succès, apportés en Europe, en Espagne, en France, en Italie. C'est à Malte surtout que le climat leur a été favorable. Les olives viennent de la Palestine. C'est Hercule, suivant la mythologie, qui les apporta le premier en Europe et qui les planta sur le mont Olympe, d'où elles se répandirent dans toute la Grèce. Les figues sont originaires de la Lydie et les abricots d'Arménie. Les prunes sont dues à la Syrie et viennent directement de Damas. Ce sont les croisés qui en ont apporté en Europe les principales espèces, quoique quelques-unes puissent bien être européennes. La poire est un fruit de la Grèce, le mûrier est dû à l'Asie et le cognassier passe pour venir de l'île de Crète. C'est l'arbre sur lequel le poirier se greffe avec le plus de succès. Ces instructions produisirent d'autant plus d'effet sur l'esprit attentif de mes enfants qu'ils en avaient autour d'eux l'application immédiate. À midi, notre travail fut terminé. Nous revînmes à Falkenhorst avec un appétit prodigieux. Notre bonne ménagère l'avait prévu et nous trouvâmes un macaroni au fromage de Hollande accompagné du chou du palmier qui fut trouvé délicieux. Ernest, qui nous l'avait procuré, fut bien remercié. Après le repas, nous allâmes rendre visite au buffle. Il commençait à s'habituer à son nouveau genre de vie. Le sel que nous lui donnions y contribuait beaucoup. Au lieu de ruer comme les jours précédents à notre approche, il étendait vers nous sa langue raboteuse pour obtenir quelques parcelles de cette friandise. J'espérais alors qu'à l'aide de bons traitements, j'obtiendrais de ce robuste animal des secours qui nous seraient bien utiles. Après cette visite, ma femme me rappela un projet que j'avais formé depuis longtemps, mais dont l'exécution présentait de grandes difficultés. C'était de substituer un escalier solide à l'échelle de corde qui l'avait toujours fort effrayé. Nous ne montions dans notre chambre que le soir, mais le mauvais temps pouvait nous forcer à résider tout à fait dans le château aérien. Nous avions besoin alors de descendre fréquemment, et l'échelle de corde pouvait donner lieu à des accidents déplorables, car mes étourdis la franchissaient avec l'agilité d'un chat, au risque de se rompre 20 fois le cou. L'élévation de l'appartement ne permettait guère de songer à placer cette construction en dehors de l'arbre. Il aurait fallu pour cela des poutres trop hautes et par conséquent trop pesantes pour être facilement remuées. Je savais que le figuier était creux, et la malheureuse aventure de mon petit Franz m'avait appris qu'il renfermait un essaim d'abeilles. Je résolus cependant de sonder sa cavité et de m'assurer de son étendue. Mes fils prirent aussitôt chacun une hache, et s'élevant le long de la voûte de racines, ils se mirent à frapper sur divers points en même temps pour juger au son jusqu'où allait la cavité. Mais le bruit donna l'éveil à l'essaim, et Jack, qui s'était, grâce à ses habitudes d'étourdi, posé précisément en face de l'ouverture, eut la figure et les mains horriblement criblées de piqûres. Je me hâtai de frotter ses plaies avec de la terre délayée dans l'eau, et ce remède fit cesser la douleur. Fritz ne fut guère plus heureux. Ernest seul dut à sa nonchalance habituelle d'en être préservé. Il arriva le dernier et s'enfuit aussitôt qu'il aperçut le danger. Cet événement imprévu interrompit les travaux de sondage et je m'occupai immédiatement du moyen de faire sortir l'essaim hors de l'arbre en lui construisant une ruche. La voûte fut faite avec une grande calebasse. Je la couvris d'un toit de paille pour la mettre à l'abri et je la scellai de mon mieux sur une grande planche au moyen de la terre humide, en ne réservant qu'une petite ouverture destinée à servir d'entrée. Je me trouvai seul pour accomplir tous ces préparatifs. Les piqûres qu'ils avaient reçues avaient mis mes fils à peu près hors de combat. Mais en attendant que les grandes douleurs fussent passées, je préparai du tabac, une pipe, un morceau de terre glaise, des ciseaux et des marteaux. Puis quand mes enfants furent disposés à m'aider, je commençai à boucher l'ouverture avec de la terre glaise en y laissant que juste de quoi passer le tuyau de ma pipe que j'avais bien bourré et allumé. Je me mis ensuite à fumer. Au commencement, on entendit un bruit épouvantable dans le creux de l'arbre, mais peu à peu il se calma et tout devint silencieux. Je retirai ma pipe sans qu'il parût une seule abeille. Alors, aidé de Fritz, nous commençâmes avec un ciseau et une hache à détacher de l'arbre, un peu au-dessus des abeilles, un morceau carré d'environ 3 pieds. Avant de le détacher entièrement, je recommençai ma fumigation, puis enfin je me hasardai à examiner l'intérieur de l'arbre. Nous fûmes saisis d'admiration à l'aspect de ces travaux immenses. Il y avait une telle quantité de miel et de cire que je craignais de ne pas avoir assez de vases pour les contenir. Tout l'intérieur de l'arbre était plein de rayons. Je les détachai avec précaution et les déposai à mesure dans des calebasses que m'apportaient mes enfants. Les rayons supérieurs, où les abeilles s'étaient rassemblées en peloton, furent placés dans la nouvelle ruche. Je remplis un tonnelet de miel, après en avoir réservé quelques rayons pour notre repas. Je fis couvrir avec soin ce baril de voiles et de planches, afin que les abeilles, attirées par l'odeur, ne vinssent pas le visiter. Je proposai aussi, afin de les écarter de leur ancienne demeure, d'allumer dans l'intérieur de l'arbre quelques poignées de tabac. Mon idée eut un plein succès. Dès qu'elles furent en état de voler et qu'elles voulurent se rendre à l'arbre, l'odeur les en chassa bien vite et avant le soir elles s'accoutumèrent à leur nouvelle résidence. Comme la journée s'était avancée dans ces diverses occupations, nous remîmes au lendemain les travaux préparatoires de l'escalier. Je proposai à tout le monde de veiller cette nuit-là pour préparer notre provision de miel. Nous allâmes cependant faire un petit somme pour ne pas trop nous fatiguer et nous fûmes réveillés à l'entrée de la nuit. Nous nous mîmes promptement à l'ouvrage. Le tonnelet de miel fut vidé dans un chaudron. À l'exception de quelques rayons, le reste, mêlé à un peu d'eau, fut mis sur un feu doux et réduit en une masse liquide que nous passâmes à travers un sac en la pressant et que nous versâmes de nouveau dans la tonne qui resta debout toute la nuit. Le matin, la cire s'était séparée et élevée au-dessus du miel en un disque dur et solide et au-dessous restait le miel le plus appétissant qu'on pût voir. La tonne fut soigneusement refermée et mise au frais dans une fosse que nous nous promîmes bien d'aller souvent visiter. Chapitre 23. L'escalier, éducation du buffle, du singe, de l'aigle, canal de bambou. Ces travaux accomplis, nous passâmes à l'inspection du tronc que nous venions de conquérir. Je reconnus, après l'avoir sondé dans tous les sens, que le figuier qui nous servait de retraite ressemblait au saule d'Europe et qu'arrivé à un certain degré de croissance, il ne se soutenait plus que par son écorce. Rien n'était donc plus facile que de placer dans la cavité l'escalier que je projetais, et cette cavité était assez spacieuse pour me permettre d'y ficher au milieu un pieu destiné à servir de pivot à la construction. À vrai dire, cette entreprise me sembla d'abord forte au-dessus de mes forces. Mais je savais que l'intelligence humaine, aidée de la patience et de la persévérance, triomphe de bien des obstacles, et je n'étais pas fâché de trouver des occasions de développer dans mes fils ces conditions essentielles du succès. J'aimais à les voir grandir et se fortifier dans une activité continuelle qui les empêchait de regretter l'Europe et les jouissances qu'ils y avaient laissées. Nous commençâmes par couper dans l'arbre, en face de la mer, une porte exactement de la grandeur de celle que nous avions enlevée de la cabine du capitaine. Nous nettoyâmes ensuite l'intérieur. L'ouverture pratiquée pour enlever le miel de l'essaim ne nous donnait pas assez de jours. J'y suppléai par deux autres fenêtres que je plaçai à des distances à peu près égales. J'adaptai à chacune de ces ouvertures les trois fenêtres que nous avions prises au vaisseau, avec leurs vitres et leurs châssis. Nous fîmes ensuite, dans la partie ligneuse et sans endommager l'écorce, des rainures pour supporter les marches de l'escalier. Nous plantâmes au milieu une poutre d'environ 10 pieds, autour de laquelle je fis des rainures correspondantes à celles de l'arbre. Nous y plaçâmes les marches successivement. Arrivés à l'extrémité de la poutre, nous la surmontâmes d'une autre qui fut fixée avec deux larges boulons en fer et des câbles bien solides, et nous continuâmes ainsi jusqu'à ce que nous eûmes atteint notre chambre à coucher. Là, nous ouvrîmes une autre porte, et mon but fut rempli. Ces travaux ne s'accomplirent pas avec la rapidité que je viens de décrire. Chaque jour amenait de nouveaux essais, des tentatives souvent infructueuses, mais nous étions animés par ces deux grands éléments de succès, patience et courage. Nous eûmes le temps de les exercer l'un et l'autre. Ce ne fut qu'après 3 semaines d'un travail opiniâtre et souvent sans résultat que nous parvînmes à faire un escalier praticable où l'espace intermédiaire entre les marches fut garni de planches posées de hauteur au devant de chaque degré. Et pour servir de rampe, j'attachai au sommet 2 cordes qui tombaient jusqu'en bas. Mes fils ne pouvaient se lasser de monter et descendre dans le but de mieux admirer notre œuvre. Nous étions tous parfaitement satisfaits de nos faibles talents. Faible est le mot, car notre travail était loin d'être parfait. Mais tel qu'il était, l'escalier suffisait à nos besoins, et c'est ce que nous demandions. Ces 3 semaines ne furent pas cependant totalement consacrées à notre construction. Nous avions entrepris et terminé plusieurs autres travaux de moindre importance, et des événements étaient venus rompre la monotonie de notre vie habituelle. Bill avait enfin mis bas 6 jolis petits dogues. Il fallut renoncer à les élever tous. 2 seulement, un mâle et une femelle, furent conservés, et les 4 autres jetés à la mer. On les remplaça auprès de la nourrice par le petit chacal de Jack. Bill se soumit sans difficulté à cette substitution. L'éducation du jeune buffle avait été une de nos principales distractions. Je voulais le dresser à porter des fardeaux et un cavalier, comme il était déjà habitué à traîner. Je lui avais passé dans le nez, à la manière cafre, un bâton avec lequel je le gouvernais comme avec un mort. Désormais, ce ne fut pas sans difficulté qu'il se prêta à cette manœuvre. Il renversa d'abord tous les fardeaux, mais peu à peu je l'accoutumai à recevoir sur son dos d'abord le singe, ensuite Franz, puis Jack, enfin Fritz, qui le dompta complètement. Ce fut encore là un des triomphes de la patience sur des difficultés qui pouvaient au premier abord paraître insurmontables. Toute ma jeune famille prit, en domptant le buffle, des leçons d'équitation qui valaient celles du manège. Il pouvait sans crainte aborder désormais le cheval le plus rétif. Il est certain qu'il le serait toujours moins que n'avait été le buffle. Fritz n'avait pas négligé son aigle, qui faisait de sensibles progrès et qui s'entendait déjà très bien à fondre sur les oiseaux morts que son maître plaçait à sa portée. Il n'osait cependant pas encore l'abandonner au vol libre. Il avait peur que son caractère sauvage ne l'emportât et ne le privât à jamais de sa jolie conquête. L'indolent Ernest lui-même avait entrepris l'éducation du singe. Knips était vif et intelligent, mais il apportait aux leçons la plus mauvaise volonté qu'on puisse imaginer. Il était tout à fait plaisant de voir ce grave professeur obligé de gambader presque autant que son élève pour s'en faire obéir. Enfin, il fit tant qu'il habitua le malin Knips à porter sur le dos une petite hotte dans laquelle il le forçait à déposer et à porter diverses provisions. Cette petite hotte qu'il avait construite en roseau à l'aide de Jack était assujettie sur le dos du singe par deux courroies qui lui prenaient les bras et une troisième qui venait se rattacher à sa ceinture. Ce fut d'abord un supplice pour le malicieux animal. Il se roula désespéré et furieux. Mais enfin l'habitude triompha et Knips, qui d'abord ne manquait jamais d'entrer en fureur à la vue de la hotte, s'y habitua tellement qu'on ne pouvait plus la lui ôter. Jack avait moins de succès, et quoiqu'il eût donné à son chacal le nom de Yeager, chasseur, comme pour l'encourager à le mériter, la bête féroce ne chassait encore que pour son propre compte, ou, si elle rapportait quelque chose à son maître, ce n'était guère que la peau de l'animal qu'elle venait de dévorer. J'exhortai cependant Jack à ne pas se décourager, et il y mit une patience dont je l'aurais cru peu susceptible. Pendant ce temps-là, j'avais perfectionné la fabrication des bougies, et j'étais parvenu, en les roulant entre deux planches, à leur donner la rondeur et le poli des bougies d'Europe, dont elles ne se distinguaient plus que par une couleur verdâtre. Les mèches me causèrent de notables embarras. Le fil de Caratas, dont je m'étais servi d'abord, répondait mal à mon désir, car il se charbonnait en brûlant. Je le remplaçai heureusement par la moelle d'une espèce de sureau, ce qui ne m'empêcha pas de regretter beaucoup le cotonnier. J'avais mis aussi en œuvre le caoutchouc que nous avions recueilli. Je pris une vieille paire de bas que je remplis de sable et auquel j'adaptai une forte semelle de peau de buffle, puis je l'enduisis de plusieurs couches de caoutchouc. Quand l'épaisseur me parut raisonnable, je brisai le moule, retirai le bas, puis, après avoir bien secoué les bottes, je les mis sur le champ à mes pieds et je me trouvai avec une chaussure qui m'allait fort bien. Mes fils en furent jaloux et ils me supplièrent de faire pour eux ce que je venais d'exécuter pour moi. Mais avant d'entreprendre un aussi long travail, je voulais m'assurer de la solidité de celui que je venais de terminer. En attendant, je façonnai de mon mieux, pour Fritz, la peau des jambes du buffle. Mes efforts furent inutiles, je ne parvins à faire qu'une ignoble chaussure avec laquelle mon pauvre enfant osait à peine se montrer. Je l'en délivrai en lui permettant, à sa grande satisfaction, de ne plus porter ce déplorable essai de mocassin. J'utilisai encore nos deux canaux de palmier, et au moyen d'une digue qui élevait l'eau sur un point du ruisseau, nous pûmes donner à notre courant une pente convenable qui poussait l'eau jusqu'auprès de notre demeure, où elle était reçue dans la vaste écaille de tortue que Fritz avait destinée à cet usage. Cette source n'avait d'autre inconvénient que celui d'être exposée au soleil, de sorte que l'eau, si elle était claire et pure, était en même temps chaude quand elle arrivait jusqu'à nous. Je résolus de remédier à ce petit désagrément en remplaçant plus tard ces canaux découverts par de gros conduits de bambou enfouis dans la terre. En attendant l'exécution, nous nous réjouîmes de cette nouvelle acquisition et nous remerciâmes tous Fritz qui en avait eu l'idée première.